je les ai shootés. Ok, ça arrive quand je me casse de la ville. Je roule à allure vive, je jette une bouteille. Je suis en nez, t'as dit vas-y, je m'en balance. Et de toute façon, j'ai piqué cette caisse. Je balance encore une autre bière par la vitre. Je vide deux canettes et vide des litres. Un flic m'arrête pour accéder à vitesse. Je te shoot, fils de pute, je le laisse. Pas de stress, je remballe mon gun. J'ai chaud aux fesses, je lâche encore du lest. Négresse, je me casse vers l'est. Je devais aller voir ma copine, mais j'ai plus d'essence. C'est éther, j'ai pas de chance. C'est la campagne, y'a pas de vacances. Pour le crime, chope une automobile. Je bidouille les fils, les coups, on s'enfile. Je passe à côté des dealers de profil. C'est de la lagune, je fais une virée nocturne vers la lune. Mais je me fais pas de bille, car moi je kiffe. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon gun t'as tout dit. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon gun t'as tout dit. J'ai mal au pic, j'en ai marre, Cécile Barba. Mais j'ai envie de boire, je m'arrête dans un bar. Whisky, coca, je vais aller boire sur le trottoir. Mais avant que je sorte pour me remettre de mes déboires, y'a une pute qui m'accoste, car je suis habillé en Lacoste. Je lui démonte la mâchoire, elle pourra plus en sucer des grosses. Au loin y'a des gosses qui s'enfuient, un clochard endormi. Y'a mon gun qui gicle et des cadavres qui gicle. C'est quoi moi, je viens de laisser les tobis sur Tigi. Des ailes d'ange dans mon domaine, que de diable bitches. La faucheuse m'adore, la nuit je lui fais 5-6 bits. Wesh bitches, la lune des cubes. Ma folie comme les witches. J'entends des voix, j'entends des sirènes. Des détonations plein. Puis le silence règne, je titube. Je rentre dans la station de métro, je saigne. J'ai rien capté, j'ai envie de ken et d'Heineken. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon gun t'as tout dit. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon cœur t'aboutit. Quatrième station, je m'arrête, je sors. Je passe les escalators, ils sont derrière. Je suis dehors, je rentre dans le cimetière. Parmi les morts, il fait noir, tout devient gore. Je shoot dans les crânes, c'est comme un sport. Je tombe sur une tombe, je complombe. Fils de chienne, et moi je suis toujours malsain. Moi j'ai toujours la haine, j'ai plus qu'une balle. Soit je vise ma cervelle, soit je vise les sirènes. Ça le fait, si j'aime, ça sert. Faut pas que je traîne, et merde, je saute. Je me plante dans une fosse, parmi les vers. Les asticots normaux. Je suis leur boss, puis je m'endors. Mes larmes de sang arrosent des chrysanthèmes. La mort, je sème. Demain, je passe au journal sur toutes les antennes. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon gun t'as tout dit. L'horizon, la lune, la pluie. Une virée nocturne la nuit. Ce soir, je rentre pas autodite. Dans mon son, mon gun t'as tout dit.